بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al mustami'in wal mustami'at, hayakumullah ala ta'ati. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous et vous facilite. Donc nous poursuivons notre série de cours intitulée « Sur le chemin de la hijra ». Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons parler des mérites de la hijra. Et ce sujet, ikhwan fillah, est très important. Surtout que lorsque certains évoquent la hijra, les premières choses qui leur viennent en tête est la difficulté, la séparation avec la famille, l'adaptation des enfants et tout ce qui s'ensuit. Et ces choses-là sont souvent un frein pour beaucoup de personnes pour faire la hijra. Alors qu'en vérité, il convient de se rappeler des mérites de la hijra. Car se rappeler des mérites de la hijra a de nombreux profits. Parmi eux, le fait que ce sera une source de motivation pour celui qui veut accomplir la hijra. Car lorsqu'il se rappellera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux muhajirin comme bienfait dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ceci le motivera à passer le cap et à émigrer, incha'Allah. Et aussi, ce sera un apaisement pour celui qui a déjà fait la hijra. Car parfois, il se peut qu'il ait des périodes de doute. Et si lors de ces périodes, il se rappelle des mérites de la hijra, ce sera pour lui un réconfort et une incitation à patienter et à rester ferme. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne le mérite de certaines actions. Prenons l'exemple de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 45 de sourate Al-Ankabut, sourate l'araignée, il dit: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi s-salah. Inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit, selon la traduction rapprochée, récite le livre qui t'a été révélé et observe la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. De même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu an, les cinq prières et le vendredi jusqu'au suivant expient ce qui est commis entre eux tant que les grands péchés ne sont pas commis. Et tout ceci dans le but d'encourager les serviteurs à faire la prière et de rester ferme dans son accomplissement. Et dans ce cours, nous allons mentionner sept mérites de la hijra, insha'Allah. Et le premier de ces mérites est que la hijra est une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ceci est un mérite immense. Car tout croyant espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout croyant fait les causes pour son obtention. Et la hijra est une cause pour obtenir ce que tous les croyants désirent, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est venu dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme parmi ceux qui vous ont précédé avait tué 99 personnes et il s'enquit du plus grand savant sur terre. On lui indiqua un moine et il se rendit auprès de lui. L'homme déclara: y a-t-il à repentir pour celui qui a tué 99 personnes? Non, répondit le moine. Alors il le tua, complétant ainsi 100. Puis il s'enquit du plus grand savant sur terre, et on lui indiqua un savant. Il dit: y a-t-il à repentir pour celui qui a tué 100 personnes? Le savant répondit: oui. Qui donc pourrait s'interposer entre lui et le repentir? Rends-toi dans tel pays, il s'y trouve des gens qui adorent Allah. Adore Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Et ne reviens pas dans la terre, et ne reviens pas dans ta terre, car c'est une terre malfaisante. L'homme se mit en route, mais à mi-chemin la mort vint à lui. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se le disputèrent alors. C'est alors qu'un ange sous la forme humaine vint les trouver, et ils en firent leur arbitre. Il leur dit: mesurez la distance entre les deux terres. Il appartiendra à celle dont il est le plus proche. Ils prirent les mesures et constatèrent qu'il était plus proche de la terre où il désirait se rendre. Ce sont donc les anges de la miséricorde qui le saisirent. Et dans ce hadith, ikhwani fillah, malgré que cet homme a commis de nombreux péchés, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde. Et l'une des causes à cela, c'est qu'il a émigré d'une terre mécréante à une terre où on adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons d'une terre mécréante, car c'est ce qu'ont mentionné certains gens de science, tels que Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et donc la hijra est une cause d'obtenir la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième mérite est que la hijra efface les péchés qui l'ont précédé. Et ceci est un mérite immense, car le croyant fait des péchés. Il se rappelle de certains et il en ignore d'autres. Et les péchés mènent en enfer, qu'Allah nous en préserve. Le croyant doit donc faire les causes pour que ses péchés soient effacés. Et la hijra, comme nous l'avons mentionné précédemment, efface ce qui la précède. Comme cela est venu dans le hadith de Amr ibn al-As, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam muslim. Il dit qu'Allah l'agré, puis quand Allah plaça l'islam dans mon cœur, je me rendis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui dis, tends ta main droite que je te prête allégeance. Il tendit sa main droite, mais je retins la mienne. Il demande, qu'as-tu Amr? Je répondis, je veux poser une condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda laquelle? Et Amr, radiallahu anhu, répondit, que je sois pardonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit, ne sais-tu donc pas, ô Amr, que l'islam détruit tout ce qui le précède et que la hijra détruit tout ce qui la précède et que le pèlerinage détruit tout ce qui le précède? Et le hadith est rapporté par l'imam muslim. Regardez ce mérite immense, ikhwani fillah. Comment celui qui entend ce hadith peut-il encore être hésitant à faire la hijra? Comment celui qui a pris connaissance de ce hadith peut-il vouloir quitter une terre d'islam après avoir fait la hijra pour revenir s'installer en terre de mécréance? Et quelqu'un ici pourrait me demander, est-ce que ce hadith est spécifique à ceux qui ont fait la hijra à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que ceux qui ont fait la hijra à notre époque rentrent dans ce hadith? Et la réponse à cette question est que l'éminent savant Al-Sheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ou plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, fut questionné sur ce sujet. Et il répondit que ceci n'est pas spécifique à une époque précise et que ceux qui font la hijra à notre époque auront aussi ce mérite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Le troisième mérite est que ceux qui ont fait la hijra rentreront au paradis en premier. Subhanallah. Quel énorme mérite! Et ceci nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va honorer les muhajirines dans l'au-delà, car ils ont quitté leur famille, leurs amis, leurs biens, ils ont patienté et ils sont restés fermes et ils ont fait tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les honorer en les faisant entrer au paradis en premier. Al-Hakim rapporte, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sais-tu le premier groupe à entrer au paradis en premier parmi ma communauté? Sais-tu le premier groupe à entrer au paradis parmi ma communauté? Il dit, Allah et son messager savent mieux. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont fait la hijra. Ô mon frère, ne veux-tu pas faire partie de ces gens-là? Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala honorera dans l'au-delà en les faisant rentrer au paradis en premier, l'endroit où ils se trouvent, ce qu'aucun œil n'a vu et ce qu'aucune oreille n'a entendu. Qu'attends-tu pour émigrer et rejoindre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala honorera le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de cette immense récompense. Le quatrième mérite est que celui qui a fait la hijra a plus de mérite que celui qui ne l'a pas fait. C'est pour cela que les savants mentionnent que les muhajiroun sont meilleurs que les ansar. Et il y a plusieurs preuves indiquant cela. Parmi elles, nous retrouvons le verset 100 de surat At-Tawba. Allah subhanahu wa ta'ala dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى dit dans la traduction de ce verset: les devanciers et tout premier croyant, parmi ceux qui ont émigré de la Mecque et ceux qui ont secouru et accueilli le prophète à Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins dans lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voici la réussite suprême. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les muhajirin avant les ansar. Et les savants ont tiré de cela que les muhajirun ont plus de mérite que les ansar. Surtout que les muhajirin ont regroupé deux choses: la hijra et le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux ansar, ils n'ont pas fait la hijra. Mais il est bon de mentionner que les muhajiroun sont meilleurs que les ansar d'un point de vue général. Mais tu peux trouver qu'un homme parmi les ansar soit meilleur qu'un homme parmi les muhajirin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Le cinquième mérite est que celui qui a fait la hijra sera plus mis en avant dans l'imamat de la prière en groupe. L'imam muslim rapporte, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui connaît le plus le livre d'Allah dirige la prière. Si les gens sont égaux en cela, alors celui qui connaît le mieux la sunna. Si ils sont égaux en cela, alors le premier à avoir émigré. Et le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Et ce hadith nous montre que celui qui doit diriger la prière est celui qui a mémorisé le plus de Coran. Et dans le cas où ils sont plusieurs à avoir mémorisé la même quantité, alors c'est celui qui connaît le mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit diriger. Mais dans le cas où ils ont une connaissance semblable de la sunna, on regarde lequel d'entre eux a fait la hijra. Si l'un d'entre eux a fait la hijra, c'est lui qui sera le plus en droit de diriger la prière. Mais si ils sont plusieurs à l'avoir fait, alors on regardera le plus ancien. Le sixième mérite est que la hijra n'a pas d'équivalent. Comme cela est venu dans le hadith d'Abu Fatima, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, dis-moi une œuvre sur laquelle je m'en tiendrai. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: fais la hijra, car elle n'a pas d'équivalent. fait la hijra car elle n'a pas d'équivalent. Subhanallah. Le septième et dernier mérite est que c'est un devoir pour Allah subhanahu wa ta'ala de faire rentrer celui qui a fait la hijra au paradis. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est imposé cela à lui-même. Et donc voici quelques mérites de la hijra. Il y a certes beaucoup d'autres mérites, mais il n'est pas possible de tous les mentionner. Malgré cela, ce qu'on vient de mentionner suffira pour motiver ceux qui sont hésitants à accomplir cette adoration. Mais il est bon de mentionner, Ikhwani fillah, que ces mérites sont réservés au véritable muhajir. Celui qui a fait la hijra pour Allah et qui s'est conformé à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans celle-ci. Par contre, celui qui a fait la hijra pour obtenir un bien de ce bas monde, ou même celui qui réside en terre de mécréance 11 mois dans l'année, nous craignons qu'il soit privé de ses mérites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans tout ce qu'il aime et agrée.